فتكلمنا في الدروس الماضية عن الملائكة وأصنافها. On a abordé lors des assises précédentes dans ce cours, on a vu le sujet des anges et les différents types d'anges qu'il y a. Et on est arrivé à la parole de l'auteur rahimahullah lorsqu'il nous dit وروى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينهاكم عن التعري. البزار il a rapporté selon Abbas رضي الله عنهما que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit certes Allah vous interdit de rester à poil, de rester nu. فَاسْتَحْيُوا مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ الَّذِينَ مَعَكُمْ. Alors faites preuve de pudeur envers les anges d'Allah qui sont avec vous. الْكِرَامْ الْكَاتِبِينَ. Et donc les anges nobles, scribes, الَّذِينَ لَا يُفَارِكُونَكُمْ إِلَّا عِنْدَ إِحْدَ ثَلَاثِ حَالَاتِ. Ces anges qui ne vous laissent que lors de trois instants. الْغَائِطِ الْجَنَابَةِ وَالْغُسْلِ. Et donc, ces trois instants sont le moment où vous accomplissez vos besoins, le moment où vous êtes en état de janaba, l'impureté majeure, et aussi le moment où vous vous lavez, el-rousl. فَإِذَا اَغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ بِالْعَرَىٰ فَلْيَسْتَتِرْ بِثَوْبِهِ أَوْ بِجِذْمِ حَائِطٍ أَوْ بِغَيْرِهِ. Alors, si l'un d'entre vous se douche nu, alors qu'il se cache, qu'il se cache des regards avec son vêtement, ou alors avec une partie d'un mur, ou autre. Et donc voilà par rapport à ce hadith qui est cité dans le recueil de Al-Bazzar, selon Ibn Abbas, radiallahu anhuma. هذا الحديث فيه النهي عن التعري فلا يبقى الإنسان عاريا وإن كان وحده. Il y a dans ce hadith l'interdiction qui est faite quant à l'individu, quant au fait de rester nu, même si celui-ci est seul. ولكن هذا الحديث ضعيف. Cependant, ce hadith est faible. بل هو ضعيف جدا. Mais encore plus que cela, il est très faible. C'est un hadith qui est très faible. Pourquoi ? Et c'est ce qui est étonnant. Dans sa chaîne de transmission, il y a Hafs ibn Sulayman. Hafs ibn Sulayman, c'est lui qui est très connu, la récitation du Coran, qui remonte jusqu'à Hafs. C'est lui. Huwa min a'imma, min al-a'imma fil qira'at. Il fait partie des imams dans la récitation du Coran. Walakinnahu fil hadith da'ifun jiddan. Mais dans la science du hadith, il est très faible. Certains peuvent s'étonner. Ils se disent, comment c'est possible qu'il soit un imam dans le Coran et que dans le hadith, il soit faible? Ils sont étonnés. Par contre, dans le sens inverse, ils ne sont pas étonnés. Comment se fait-il que ça soit un muhaddith et qu'il ne soit pas un imam dans le Coran? Parce que dans le sens du hadith, ça ne veut pas forcément dire que tu maîtrises donc le Coran, la récitation du Coran avec les règles du Coran, etc., etc. Donc les gens ne sont pas étonnés quand on va dans ce sens-là. Mais quand on va dans l'autre sens, là, ils sont étonnés. Un imam du Coran qui est faible dans le hadith, oui, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Ce ne sont pas les mêmes règles, ce ne sont pas les mêmes principes, ce ne sont pas les mêmes critiques qui sont faites. Et donc, ce hadith est faible. Il n'est pas acceptable à cause du fait que les chaînes de transmission, elles passent tous par Hafs ibn Sulayman, qui a été largement critiqué par les ulémas du hadith. وهناك أحاديث أخرى فيها الاهتمام بستر العورة. Il y a d'autres hadiths qui montrent l'importance quant au fait de cacher ces parties. Comme le hadith dans Sunan Abi Daoud qui stipule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. Protège tes parties sauf de ton épouse ou de ce que tu possèdes, c'est-à-dire des esclaves que l'homme possède. À ce moment-là, il n'est pas obligatoire, il peut se montrer à cette personne, à son épouse ou à son esclave. « Kol, Et donc le rapporteur, le compagnon qui nous dit, Kultu, Iza kana al-qawmu ba'duhum fi ba'd. Il nous dit, si les gens, ils sont les uns collés aux autres. Ça peut arriver que lorsque les gens sont collés aux autres, il y a un accident qui arrive, etc. Si on est dans telle situation, est-ce que je suis blâmable si quelqu'un voit mes parties, si quelqu'un voit ma aura? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Inistata'ta an la yariyannaha ahad, fa la yariyannaha. Si tu as la capacité de faire en sorte afin que personne ne voit tes parties, alors fais en sorte que personne ne les voit. Le rapporteur qui nous dit, Kultu ya Rasulallah, Iza kana ahaduna khaliyan. Il nous dit, ô messager d'Allah, si l'un d'entre nous, il est seul, il n'y a personne avec lui, il est seul, est-ce qu'il a un mal à ce moment-là? Est-ce que, donc, il soit dénudé ou autre? Mais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, Allahu ahakku an yastahiya minhu minan nas. Alors, Allah Ta'ala, il est plus en droit que cette personne fasse preuve de pudeur envers lui que des gens. Et donc, on comprend de ce hadith, yufhamu minhu, anna al-insan la yabqa ariyan. L'individu ne reste pas comme ça, donc dénudé, il doit se couvrir et cela fait partie des bonnes mœurs. Contrairement à ce qu'on voit à notre époque, les gens qui marchent dénudés, hein, soi-disant pour bronzer ou autre, Allahul Musta'an, toutes ces maladies du cœur qui sont propagées à notre époque, il est vraiment important que l'on se protège, qu'on protège nos yeux, qu'on fasse attention aux endroits où on voit, afin de ne pas être touché par ce genre de maladie. أما ما جاء أن الملائكة تفارق الإنسان في أوقات ثلاثة فهذا لا أعلم فيه دليلا صحيحا. En ce qui concerne ce qui a été cité dans ce hadith, qui montre que les anges vont délaisser les êtres humains à trois instants, alors je ne connais pas de preuve authentique qui affirme cela. Je ne connais pas de preuve authentique qui appuie cela. والإنسان لا بأس أن يتعرى وهو يغتسل لكنه يستر نفسه من أعين الناس. Et donc l'être humain, il n'y a pas de mal à ce qu'il soit nu quand il prend sa douche, quand il se lave. Cependant, il doit se cacher des regards des autres. Il doit se cacher des regards des autres. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous dit, قال الحافظ ابن كثير ومعنى إكرامهم أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم. Ensuite, l'auteur, il nous cite une parole d'Ibn Kathir, rahimahullah. Il nous dit, Al-Hafidh Ibn Kathir, rahimahullah, a dit, et la signification de ikramuhum, c'est-à-dire le fait de se comporter noblement avec les anges, la signification de cela, c'est le fait de faire preuve de pudeur envers eux et de ne pas leur montrer des actes détestables, les actes qu'ils vont écrire par la suite. Car certes, Allah tabaraka wa ta'ala, il les a créés nobles. Il a créé les anges et il a fait qu'ils sont nobles dans leur caractère physique et dans leur comportement. Et donc, les anges sont nobles dans leur création et aussi dans leur comportement. فهذا الكلام من المؤلف رحمه الله يؤكد ما ذكرناه سابقا أن الإنسان ينبغي له أن يستحي من الله تبارك وتعالى ثم من ملائكته فلا يفعل ما ينهاه عنه الله تبارك وتعالى. Et cette parole que l'auteur il nous cite confirme et appuie ce qu'on a vu précédemment. Que l'être humain, il est convenable qu'il fasse preuve de pudeur envers son Seigneur, puis envers ses anges. Donc l'être humain ici, il ne va pas faire ce que son Seigneur lui a interdit, car il sait que son Seigneur le voit. Il sait pertinemment que son Seigneur le voit, puis que les anges le voient. وَعَلَيْنَا أَيُّوَ الْإِخْوَى أَنْ نَذْكُرَ دَئِمًا فِي خَلَوَاتِنَا أن هؤلاء الملائكة لا يفارقوننا بل يكتبون كل ما نفعل. Et donc, nous devons tout le temps nous rappeler, oh chers frères, lorsque nous sommes isolés des gens, lorsque nous sommes seuls, que ces anges-là ne nous lâchent pas et qu'ils écrivent tout ce qu'on fait. Rappelle-toi aux serviteurs d'Allah de cela. Lorsque tu t'apprêtes à faire ce péché, lorsque tu t'apprêtes à faire un péché, rappelle-toi, pose-toi cette question. Est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala me voit? Est-ce que les anges me voient? Cela va t'aider à délaisser les péchés qui sont propagés autour de nous. Nous devons faire des efforts par rapport à cela. Et voilà pourquoi on fait le lien maintenant entre la baisse de foi et entre les péchés. Car il n'y a nul doute que lorsque tu t'adonnes à ce péché, tu as un manque dans ta foi aux anges qui te voient. Ta foi en Allah tabaraka wa ta'ala qui te voit. Ta foi à Yawm al-Akhir, le jour où tu seras jugé par rapport à cet acte que tu as fait. Ta foi au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui t'a interdit de faire ce que tu fais. Ta foi au livre qui stipule l'interdiction de ce que tu fais. Et donc nous devons tout le temps faire l'effort de nous rappeler de cela. Et d'où l'intérêt d'étudier ce genre de livre. Pourquoi est-ce qu'on étudie la foi aux anges, la foi aux livres, la foi en Allah, etc. Si c'est pour derrière, dès qu'on sort du cours, tous les péchés qu'il y a fait dunia, on les fait. Non, cela doit nous aider à renforcer notre foi, renforcer notre cœur, pour que lorsque le shaitan il vient, on dise « Top !» C'est pas ici. C'est pas ici. Il faut qu'on soit fort, les frères. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم قال ما معناه إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا سورة ولا جنب ولا تمثال ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس. Ensuite il dit, c'est-à-dire Al-Hafidh ibn Kathir, il dit ce dont la signification est. Là, on voit ici un sujet important qu'il y a chez les savants, et notamment aussi chez les savants du hadith, le fait qu'ils sont précis. Ils sont précis. Ici, il sait qu'il ne cite pas la parole d'Ibn Kathir, rahimahullah. Alors, il nous dit, il a dit ce dont la signification est. C'est-à-dire, ici, je vais vous rapporter la signification de ses propos. Ce ne sont pas les propos d'Ibn Kathir. Il attire notre attention vers cela parce que c'est une amana. Il faut être précis. Et donc, il dit ce dont la signification est. Il dit ce qui signifie qu'il fait partie de la noblesse des anges, le fait que ceux-ci ne rentrent pas dans une demeure dans laquelle il y a un chien ou une image ou une personne en état de janaba, en état d'impureté majeure. Ou alors dans laquelle il y a une statue. Et ils ne fréquentent pas, donc les anges ne restent pas avec des personnes qui ont avec eux un chien ou une sonnette. Al-Jaras, la sonnette qu'on peut trouver, c'est la cloche. Un chien ou une cloche. تكلمنا سابقا عن هذا الموضوع والأحاديث الصحيحة التي فيها أن الملائكة لا تدخل بيتا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ سُورَةٌ. On a déjà abordé ce sujet précédemment, le sujet quand on a abordé les hadiths authentiques qui montrent que les anges ne rentrent pas dans une demeure dans laquelle il y a un chien ou une image. وَذَكَرْنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا أُولَئِ الْمَلَائِكَةِ هُمُ الَّذِينَ يَحْفَظُونَ وَيَحْمُونَ بَنِي آدَمَ مِمَّا قَدْ يَدُرُّهُمْ. Et on a dit que ce qui est voulu par ces anges qui ne rentrent pas dans ce genre de demeure, ce sont les anges qui vont protéger les enfants de Adam, les êtres humains, ils vont les protéger de ce qui peut leur faire du mal. لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ الْحَفَظَ الْكَتَبَ. Attention, il n'est pas voulu ici, les anges qui vont enregistrer, qui vont écrire ce que nous faisons. Parce que ces anges-là, ils ne nous laissent pas. On avait cité, tu peux même aller aux toilettes ou ailleurs, ces anges-là, ils ne nous laissent pas. Ils écrivent ce qu'on fait. Et rappelez-vous la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce aucune parole sans qu'il ait avec lui un gardien qui note tout. Donc nous avons vu, en ce qui concerne ce qu'a cité l'auteur, il a cité aussi le fait que les anges ne rentrent pas dans une demeure dans laquelle il y a une cloche. الدليل على ذلك مذكور في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. Et donc la preuve sur laquelle se base l'auteur, elle est dans Sahih Muslim concernant la cloche. Sahih Muslim, selon Abi Hurairah radiallahu anh, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les anges ne fréquentent pas ceux qui ont avec eux un chien ou une cloche. Aussi, d'ailleurs, concernant celui qui est en état d'impureté majeure, parce que l'auteur il a aussi cité le cas de celui qui est en état d'impureté majeure. Il se base sur un hadith qui est dans Sunan Abi Daoud. Dans Sunan Abi Daoud, la ziyada il y a le rajout. Il est cité selon Abdullah an Abihi an Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. Et donc selon Abdullah ibn Junay, عن أبي selon son père, selon Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit que les anges ne rentrent pas dans une demeure dans laquelle il y a une image ou un chien ou alors une personne en état d'impureté. Sauf que ce hadith, la chaîne de transmission, elle est faible. Elle est faible. Da'afaha al-ulama wa takallamu fi Abdullah ibn Nujay. Et donc les savants, ils ont parlé concernant Abdullah ibn Nujay et aussi concernant son père. Et en réalité, ils ne sont pas dans tous les cas. Certains ont cité que Abdullah notamment qu'il est faible, et dans tous les cas ils ne sont pas suffisamment fiables pour avoir une narration qui contredit ou qui n'est pas en accord avec les narrations authentiques claires. De ce fait, cette narration n'est pas acceptée, et aussi Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il a abordé ce sujet. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé des nuits en état, ça lui est déjà arrivé de passer des nuits ou une nuit en état de djunoub, il faisait ses ablutions et ensuite donc passait sa nuit ainsi. Cela est déjà arrivé. Il dit que si le prophète, si les anges ne rentraient pas dans une demeure à cause du fait que l'individu est en état d'impureté majeure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas fait cela, car les anges venaient à lui pour la révélation. Et donc, on ne peut pas se baser sur ce hadith pour affirmer donc que les anges ne rentrent pas dans une demeure dans laquelle il y a une personne qui est en état d'impureté majeure. Et donc, ce hadith, il est faible. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah. Ensuite, l'auteur, il nous dit, rahimahullah, وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية أن أبا هريرة رضي الله عنه قال اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Et donc l'auteur qui nous dit rahimahullah, Malik al-Bukhari et Muslim ont cité dans leurs recueils respectifs selon Abi Huraira radiyallahu anhu, qui stipule que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, les anges de la nuit et les anges du jour viennent à vous de façon successive. Ils se rassemblent durant la prière du Fajr et la prière du Asr. Et puis, ceux qui ont passé la nuit avec vous montent auprès de lui. Auprès de qui ? Auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc ici, on affirme que Allah azza wa jal fis sama, donc au-dessus des cieux. Pourquoi ? Parce que les anges montent. Alors, il leur demande, Allah tabaraka wa ta'ala demande aux anges, alors qu'il sait, comment avez-vous laissé mes serviteurs ? Dans quelle situation étaient mes serviteurs lorsque vous les avez laissés ? Ils disent, nous les avons laissés alors qu'ils priaient, et nous sommes venus à eux alors qu'ils priaient. Dans une autre narration, Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit, récitez si vous voulez, wa Qur'an al-Fajr, et la récitation du Fajr, donc la prière du Fajr. Inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda. Certes, la récitation du Fajr, elle est donc, durant la récitation du Fajr, mashhuda, les savants nous disent ce qui est voulu par là, c'est-à-dire que les anges participent, ils assistent. Certes, les anges assistent à la récitation du Fajr. فَهَذَا الْحَدِيثُ مُتَعَلِّقٌ بِالْحَفَظَةِ وَهُمْ سِنْفَانِ. Et donc ce hadith concerne Al-Hafadat, ce sont les anges qui vont enregistrer les agissements, les paroles que vont faire, prononcer, faire les enfants de Adam. وَهَاُولَا سِنْفَانِ. Ils sont de deux genres, Hafadatun بِالْلَيْلِ وَحَفَظَا بِالنَّهَارِ. Il y a deux genres donc d'anges qui enregistrent les œuvres. Il y a les anges de jour et les anges de nuit. فهؤلاء ينزلون بالعصر فيحفظون أعمال الليل. Et donc, il y a un groupe qui vont venir durant le moment du Asr et ils vont enregistrer les œuvres que les personnes vont faire durant la nuit. وهؤلاء يأتون بالفجر. Il y a un groupe qui vient au Fajr. ويسجلون ما يفعله الإنسان في النهار. Et ils vont ensuite enregistrer ce que l'être humain va faire durant la journée. فَلَا يَزَالُ الْإِنسَانُ وَمَعَهُ هَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةِ. Et donc l'être humain ne passe pas un moment sans qu'il y ait avec lui ses anges, sans que ses anges soient avec lui. Il ne passe pas un moment sans que ses anges soient avec lui. فَلَا يَنْبَغِي لِلْإِنسَانِ أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَاقَبٍ. Et donc il ne convient pas que l'être humain pense qu'il n'est pas surveillé. Il ne convient pas que l'être humain pense qu'il n'est pas surveillé. On est tout le temps surveillé, les frères. Il y a tout le temps les anges qui nous surveillent. Ne pense pas que tu n'es pas surveillé. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُودًا. Est-ce que l'être humain pense qu'il sera laissé en vain, comme ça ? On te laisse sans te surveiller, sans te juger, sans rien. Hein ? Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدْ. Pense-t-il que personne ne l'a vu ? Pense-t-il que personne ne l'a vu ? On avait déjà dit la dernière fois dans cette mosquée, on avait demandé aux enfants de nous trouver un endroit où Allah tabaraka wa ta'ala ne peut pas les voir. Trouve un endroit, je te donne l'année entière, cherche. Il n'y a pas. Et donc, nous-mêmes les adultes, si on fait ce jeu-là aux enfants, pour entraîner nos enfants, pour leur montrer qu'il n'y a pas d'endroit où Allah tabaraka wa ta'ala ne peut pas les voir, et donc les enfants, faites attention. Si on le fait pour nos enfants, il faut que nous aussi on l'applique. Il faut aussi que nous aussi on l'applique. Qu'on doit craindre Allah tabaraka wa ta'ala, que l'on soit dans la mosquée ou à l'extérieur de celle-ci. Wa fil hadith, mizatu al-fajri wal-asr. اللتين يحضرهما الملائكة. Il y a donc dans ce hadith les mérites de la prière du Fajr et la prière du Asr. Ces deux prières auxquelles vont assister les anges. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub. Et prie, fasabbih, ici ce qui est voulu c'est la prière. Prie par la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant le coucher. Avant le lever du soleil et avant le coucher, certains savants, la majorité nous disent ce qui est voulu ici, c'est la prière du Fajr et la prière du Asr. D'autres savants ils disent quoi? On l'avait vu dans le fiqh. Du moins dans Umdat al-Ahkam. On avait vu l'explication de ce verset aussi. D'autres savants ils disent par rapport à Qabl al-Ghuroub, ils disent c'est Al-Dhahr ou Al-Asr. Ils disent c'est Al-Dhahr ou Al-Asr parce que les deux prières sont Qabl al-Ghuroub. Mais l'avis le plus juste, Wallahu A'lam, c'est que ce qui est voulu dans ce verset, c'est Al-Fajr et Al-Asr. Et pour finir, un point qu'on avait déjà cité précédemment, وفيه أن الله تبارك وتعالى يسأل الملائكة وهو يعلم وهو أعلم منهم لكنه سؤال تقريري. Et donc il y a dans ce hadith le fait que Allah تبارك وتعالى interroge les anges concernant les agissements de Béni Adam, des êtres humains, tout en étant plus savant qu'eux. Il sait pertinemment ce que font ces créatures. Mais c'est une question pour affirmer et c'est un témoignage. C'est un témoignage qui montre yudhiru kamal adlillahi tabaraka wa ta'ala. Un témoignage qui va montrer la perfection du caractère juste d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il est juste avec ses créatures et ne leur fait pas injustice. Taïb, il y a aussi dans ce passage que je viens de citer, un point qu'on avait déjà abordé dans la mosquée, le fait que Allah demande à ses anges. Dans le Coran, parfois, Allah pose une question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On avait dit qu'on ne peut pas critiquer les chrétiens lorsqu'il est cité dans la Bible que Dieu a demandé à Adam, où es-tu ? Où es-tu ? Parce qu'il y a certains musulmans qui parfois donc veulent montrer la fausseté de la religion chrétienne, ce qui est louable. C'est bien, il faut montrer la fausseté de cette religion. Mais par contre, il faut qu'on soit juste. Ce n'est pas parce que tu vois que Adam est interrogé, cela ne veut pas dire que celui qui lui pose la question est ignorant de la réponse. On avait déjà dit ça. Il y a énormément de questions qui sont posées dans le Coran. Ça ne veut pas dire que Allah tabaraka wa ta'ala, il ignore la réponse. Et donc on fait attention à cela, à être juste, lorsqu'on parle, lorsqu'on va répliquer aux groupes égarés, aux religions, aux fausses religions, il faut qu'on soit juste. On arrête là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran.